Le Comité national nigérian pour le souvenir de son Excellence Monsieur Kim Jong-il est constitué le 27 octobre. Le comité a décidé, à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, d'organiser significativement les cérémonies politiques et culturelles pour exalter ses exploits et présenter les succès des militaires et civils coréens accomplis dans l'œuvre pour la victoire finale sous la direction sage du respecté camarade Kim Jong-un.